Does no one have some drums for me so that I can have some groove, please? Personne n'a un drum, s'il vous plaît. On va un peu de groove parce que là, c'est. Je suis pas pianiste, je suis bassiste, de base. Maybe another world. Be you. home.